Comment faire pour se passer de toi? Comment faire quand tu n'es pas là? Comment faire sans toi? Comment faire? Faut-il agir? Comment retenir? Comment?